Maxi Sud. Donc Magali Bruel, donc je travaille à la Chambre d'Agriculture, je suis conseillère agritourisme et animatrice du réseau Bienvenue à la Ferme. Et donc mon rôle, c'est d'accompagner les agriculteurs qui veulent se lancer ou structurer des démarches dans l'agritourisme, c'est-à-dire l'accueil à la ferme, sous les différentes formes que ça revêt, c'est-à-dire point de vente à la ferme, ferme de découverte, goûter à la ferme, tout ce qui est hébergement, camping, etc. Et donc nous ici, donc on était sur le Ségala, puisqu'on est dans une démarche donc en partenariat avec les offices de tourisme et communautés de communes pour développer et structurer l'agritourisme. Donc aujourd'hui, nous avons la présence d'agriculteurs qui se questionnent sur pourquoi pas développer des prestations. Donc si vous voulez du coup nous dire qu'est-ce que vous présentez et nous dire qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place et sur quoi vous vous questionnez. Oui, bonjour, Benoît Valaillé. Donc, je suis agriculteur en Vaud d'Aveyron et du Ségala à la salle de Tapeyrales. Et il se trouve qu'on vient de racheter un corps de ferme tout à fait attenant à notre exploitation, sur lequel il y a trois gîtes ruraux, un camping également, mais qui tout est désaffecté depuis 20 ans. Donc on est là pour parce qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à l'aménagement du bâti, et donc par la même occasion développer de l'accueil à la ferme et de l'hébergement surtout. Du coup, on était accompagné de Lise Monteillet, la ferme Vachement Fruité sur le Lévézou, qui est venue en fait témoigner auprès donc des agriculteurs présents de la mise en place du coup d'un point de vente à la ferme et de son activité d'accueil à la ferme. Oui, bonjour. Alors moi, je suis venue aujourd'hui à la Réunion ici sur le Arieux-Pérou, mais je suis du Lévézou. Et si je suis là, c'est parce qu'il y a un an, j'ai été accompagnée par le réseau Bienvenue à la Ferme pour créer un point de vente à la ferme, donc sur ma ferme. C'était un élément très important pour moi d'ouvrir ma ferme au public parce que je suis en circuit court. J'avais vraiment besoin d'accueillir les gens et de communiquer sur la façon dont je travaille. Et c'est vrai que quand on est agriculteur, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc être bien accompagné par le réseau Bienvenue à la Ferme, ça aide. Et puis il y a aussi les offices de tourisme qui sont là et qui communiquent auprès de tous les gens qui passent sur notre territoire et qui peuvent orienter les visiteurs vers nos fermes. Moi, je suis installée depuis 6 ans et ça fait seulement un an que j'ai passé le cap de pouvoir accueillir du monde sur la ferme. Et c'est à la fois très intéressant sur le plan personnel parce qu'on sort de son isolement, on voit des gens, et c'est aussi très intéressant par rapport à la vie de la ferme, parce que moi je vends mes produits en circuit court et j'ai besoin que les consommateurs soient là et plébiscitent mes produits. Pour quelqu'un qui veut faire de l'accueil au public, c'est déjà de bien cerner ce qu'il veut faire. Parce qu'en fait, il existe plein de façons différentes d'accueillir les gens. On peut créer des ateliers pédagogiques, on peut juste les faire dormir, on peut les faire manger. En fait, moi dans mon cas, c'était surtout de leur faire découvrir mes produits fermiers et surtout la façon dont je travaille. Essayer d'expliquer comment je travaille en tant qu'agricultrice. Et donc je dirais que la première étape, c'est de bien cerner ce qu'on veut faire et ensuite de structurer son projet, pas se lancer, allez hop, demain j'attaque. Parce que souvent, ça se traduit par des erreurs et du temps perdu au final, alors que si on structure bien son projet, on se fait accompagner par les bonnes personnes, on évite pas mal d'erreurs et le projet peut devenir très épanouissant. Donc moi je suis Romain Rémy, je suis le directeur de l'Office de Tourisme Pays Ségali. Donc on intervient nous sur cette journée, on est co-organisateur aussi, co-animateur, puisque nous on a un réel enjeu de développer l'économie touristique sur les territoires. Et vu que l'agriculture est quand même une thématique très présente sur le territoire, on est très intéressé pour justement faire monter en gamme l'offre, développer l'offre aussi de ce type d'activité, puisqu'on a aussi cette demande-là qui est exprimée par les visiteurs qu'on accueille l'été et sur les ailes de saison, sur découvrir l'activité agricole, rencontrer les agriculteurs, développer, découvrir les produits à la ferme. Donc nous, on essaie de mettre un petit peu en réseau les porteurs de projets intéressés, les autres porteurs de projets, les autres promoteurs de cette activité-là, et puis mettre à disposition aussi nos réseaux, nos connaissances et nos supports de communication pour relayer ces informations, les mettre en avant et à pouvoir réorienter les visiteurs sur ce type d'activité-là. Alors nous, on est sur le Pays Ségali, donc sur 23 communes. On a un office de tourisme intercommunal avec deux bureaux d'information. Et donc, on travaille, nous, toute l'année, au développement de l'offre, à la promotion, au rayonnement du territoire, en fait, et de son économie touristique pour attirer les visiteurs, les faire venir et les faire consommer de l'activité touristique. Donc, on est un petit peu chef d'orchestre de tout ce qui est organisation, promotion, valorisation et accueil ensuite sur site et renvoi avec nos professionnels qu'on accompagne aussi, qu'on peut former justement à mieux accueillir les visiteurs et à développer leur activité. Laetitia Deléris, donc moi je suis conseillère en séjour sur l'office de tourisme Aveyron-Ségala, donc communauté de communes Aveyron-Bas-Ségala-Vior. Et on travaille conjointement du coup avec l'office de tourisme Pays Ségali sur plusieurs actions, notamment l'agritourisme. Donc aujourd'hui, on avait invité les agriculteurs à participer à cette réunion puisque ça fait partie de nos projets de développement pour structurer une offre pour laquelle on a de plus en plus de demandes. C'est vraiment la tendance qu'il y a à l'heure actuelle dans les offices de tourisme et chez les hébergeurs. C'est vraiment une demande des touristes d'être... à la campagne, mais au plus près, au contact des agriculteurs et des activités qui pourraient être faites et développées en ce sens-là, du coup. Bonjour, moi je suis Aurélie Fayel, je travaille pour l'interprofession du Vaud d'Aveyron et du Ségala. Et dans ce cadre-là, on a fait une réponse à un appel à projet régional, financé par des fonds européens notamment, sur essayer de faire un projet de coopération territoriale au niveau du Ségala, pour redynamiser l'agriculture au niveau du Ségala. Et donc on a construit ce projet-là avec la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, et l'idée c'était de développer différentes thématiques, il y en a 5 en tout, que sont le renouvellement de génération d'agriculteurs, faire qu'au domaine des jeunes s'installent en agriculture. Une deuxième thématique, c'est développer l'agritourisme, donc le cadre de la réunion d'aujourd'hui. Une troisième thématique autour de améliorer la vivabilité des fermes, avec notamment des solutions de main-d'œuvre, des notions de créer de la valeur ajoutée sur les fermes, et également de la préservation du paysage bocager du Ségala. Donc c'est un projet global qui s'inscrit sur 2 années de travail avec une douzaine d'actions dedans pour répondre à ces enjeux-là. Et donc aujourd'hui, la journée, c'était de structurer une offre agritouristique sur le Ségala. Donc moi, j'étais surtout là pour dans le pilotage du projet global et pour voir qu'est-ce qui se fait. Et c'est plus la Chambre d'agriculture qui pilote aujourd'hui cette partie agritourisme. Le milieu agricole a toute sa place dans la partie touristique. Ah oui, c'est un lien et ça correspond, on l'a vu aujourd'hui, à une demande des touristes. Donc il y a un intérêt à répondre à cette demande et à travailler cette activité de tourisme en plus de l'activité agricole.